Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron nous fera écouter un bloc de musique francophone dans la langue dans ton oreille. François Landry nous parlera de politique dans son segment Logocratie 101 et on accueillera une toute nouvelle chroniqueuse, Joanie Gagnon, et ses suggestions de sortie dans Alors on sort. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 12 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi. Sinon, aujourd'hui à l'émission, on a quand même une émission assez chargée, je vous dirais, plus que d'habitude. Normalement, on aurait peut-être 2-3 chroniqueurs, là on en a 4 aujourd'hui. J'en ai mentionné 3 en intro parce que ça rentre pas plus que ça. Donc à 8h, on aura David Ferron et la chronique La langue dans ton oreille. Son sujet aujourd'hui, c'est leçon à Miley Cyrus, comment chanter sexy sans être vulgaire en 3 chansons. C'est détaillé quand même, presque aussi détaillé que... j'aurais pu dire l'entre-jean de Miley Cyrus qu'on voyait très bien parce qu'elle portait quelque chose de très très mince. Bref, ou Video Music Awards. Ensuite, à 8h30, François Landry et sa chronique Logocratie 101. Son sujet d'aujourd'hui, c'est après le barbecue et les épichettes de blé d'Inde, la rentrée, deuxième partie. C'est, vous l'aurez deviné, la suite de la semaine passée, juste dernier. À 9h, Joanie Gagnon et la nouvelle chronique de sortie Alors on sort. Elle va nous parler d'activités, de trucs à aller voir, des spectacles à Trois-Rivières et ailleurs. Je sais qu'elle va ratisser large sur son territoire culturel. Et en tout début d'émission, on va avoir Laurent Constantin qui va être à partir de la semaine prochaine, les lundis. Mais on va lui parler dans quelques minutes pas mal d'actualité ou des trucs comme ça. Ça s'en vient vraiment très, très, très bientôt. Mais avant de passer à Laurent, allons-y en musique avec une nouvelle entrée de Braids du côté anglophone dans le palmarès. Voici la pièce Fruend. Fruend. F-R-U-E-N-D. On va essayer de deviner ce que ça veut dire. Hein. Je vais lire les paroles. Wash

Sinon, pour le stationnement du CAPS, Colin, ouais, j'avoue qu'ils ont fait l'asphalte au complet. Je sais pas si c'était nécessaire. On les a pas vus faire tant que ça cet été. Hein. Ben, moi, j'ai vu beaucoup de camions pour un seul petit stationnement. Oui, ça s'est fait quand même rapidement. Oui. Parce que il n'y avait pas d'autres stationnements à faire, j'imagine, à Trois-Rivières. Mais malgré tout, c'est ça. J'ai jamais vraiment remarqué que... Il y avait une nécessité. Parce qu'il y avait déjà refait. Oui, c'est. Il y a quelques deux ans, je pense qu'il y avait déjà fait une extension dans le bois. Il avait enlevé tous les arbres qu'il y avait là pour faire l'extension du stationnement. Là, il y a eu certains également pour permettre que s'il y a de la pluie, ça s'écoule bien dans les bouches d'égout. Mais au fait, si vous doutez un peu des chiffres que j'ai mis, 210 000 $ pour les affiches, 270 000 $ pour le stationnement, eh bien, c'est des chiffres qui sont publics, qu'on peut trouver sur le site des appels d'offres publics du Québec. Donc, voilà d'où sortent les chiffres. Ils ne sortent pas du néant. On te fait confiance que tu sors pas ça de tes fesses. Ah non, je dis, je fais du journalisme d'enquête. C'est ça. C'est J-E-U-Q-T-R au lieu de J-E-U-Q-T-R. J'essaie de trouver une autre façon d'insérer. J-E. C'est laid. On va trouver un concept. Non. Ah, d'accord. Oui, merci, si tu veux. Donc, voyage au centre du campus, c'est le titre de ta chronique. Ça, on le sait. Et on sait que t'es Laurent Constantin et que tu vas être là tous les lundis. C'est à 9h ou 8h30 ou dans ces coins-là? C'est le matin? C'est à 8h30. Oui, c'est à 8h30. Parfait. Oui, c'est ça. Je pense qu'à 9h, c'est Maxime Tanguay pour la lutte. Voilà. Quand même, l'horaire va me rentrer dans la tête un jour. Hein? Mm-hmm. Merci et puis à lundi. Ben, merci beaucoup à toi aussi. Tu peux rester avec nous un peu si tu veux. Parfait. Ou beaucoup. Comme tu veux. Pour l'instant, on va retourner en musique. On va l'entendre, nos amis de Lila Dissa. Ils ont une pièce sur le palmarès francophone qui s'appelle Haiku Girl. Donc, moi, je vous la propose à l'instant sur C'est Fou, dans vos oreilles. Bye.

Au retour, David Ferron et la langue dans ton oreille. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est de retour lundi. Sinon, j'ai David Ferron en studio. Bonjour! Bonjour! Oui, bonjour! On prendrait une sirène de bateau. Ah, viens me voir, je vais te noyer! On dirait, je sais pas, un schtroumpf? Je sais le schtroumpf grognon. Ça, c'est Gargamel. Non, schtroumpf grognon, ok, excuse-moi. Ouais, ou je sais plus, j'ai trop de personnalité dans ma tête. Choisis-en une pour faire la chronique La langue dans ton oreille. Et c'est Gustave. Ok. Présente la chronique. Oui, ici, la chronique La langue dans ton oreille, présentée sur C'est fou 89.1 FM. Ouh. Ouh. Mais... En cœur, c'est comme un cœur de chat. Ah oui. Cœur de chat. M'as-tu vu? Tu devrais enregistrer les covers oui. Des meilleures chansons francophones version félin. Oui, féline. Version féline. Oui, version féline. Féline Dion. Hein? Mais c'est une chatte à la place. Puis elle se fait oui. La petite patte sur son petit cœur. Ah, comme ça attendrait ça. Donc, David Ferron, bienvenue. C'est l'angle dans ton oreille encore une fois tous les jeudis matin. Oui. Exactement, t'as raison. C'est cool. C'est une chronique sur la langue, sur la chanson française. En fait, pas la chanson française, parce que c'est un style de musique. La chanson de langue française, chanson francophone. Exactement, parce que la chanson française, c'est souvent relié à chanson de texte d'auteurs-compositeurs. Ça peut être lié, par exemple, les anciennes générations, ça peut être Barbara Brassens, tandis que la génération actuelle, ben, peut-être le chanteur Raphaël. Okay. En France. Ben, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, dans le fond, la chanson française. C'est pas nécessairement très, très aimé par ben les gens. Ben maintenant, ça, c'est fan, mais... Maintenant, il y a un petit côté péjoratif. Ouais. Vous connaissez le phénomène des bobos. C'est ça. Souvent, la chanson française actuelle va être liée aux bobos français. Ouais. Des gens qui se tiennent ensemble, qui gagnent des victoires entre eux, qui se lisent entre eux pour recevoir des prix prestigieux. Ouais. Et il y a les autres chanteurs qui reçoivent des prix NRG Award, les NRG. Genre, la station, ça? Exactement. C'est ça, vous faites le lien que vous voulez avec ça. Oui, mais c'est meilleur, c'est fou, de toute voilà. façon. Exactement. Donc aujourd'hui, ton sujet, David, tu nous as envoyé ça avec un long titre, c'est « Leçon ouais. à Miley ». Oui. Ça. Comment chanter sexy sans être vulgaire en 3 chansons? Oui, j'ai trouvé que Miley, dans l'expression, en fait, je sais qu'elle veut s'exprimer, qu'elle veut se défaire... De l'image de la Montana. Exactement, mais au lieu, parce qu'elle, elle s'est pas dit « je vais produire une émission culturelle et intellectuelle et je vais... » parler de, par exemple, Jean-Paul Sartre. Non. C'est pas ça qu'elle va faire. À place, elle se déhanche et elle fait des trucs assez olé olé. Elle fait des Jean-Paul fart directement dans la face de... Oh, wesh! Dans la face de... C'est quoi le Robin chanteur? Robin Thicke. Robin Thicke, voilà. Ouais. Robin l'épée, comme je l'appelle. Ah! Non, Robin Thicke. Ah, je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle de même. Parce que Thicke, ça veut dire épée. C'est pas de ma faute. Dans quel sens? Ben, thick, ça veut dire épais, comme dans l'épaisseur. De... Mais quand il chante avec Miley, c'est... En tout cas, mais peu importe, on passe à autre chose. Miley Cyrus? Oui. En petit sous-vêtement transparent, presque. Ouais, exactement. Au Video Music Awards de MTV. Oui, donc on voit qu'elle twerk. Et au lieu de ça, je préfère lui donner quelques conseils en 3 chansons. 3 suggestions de chansons sensuelles. La dernière va être grivoise. Je vous avertis, si vous avez des enfants... crevez-leur leur tympan. Crevez leur tympan. Prenez pas de chance, là. Crevez les yeux aussi. Puis non, c'est pas coupez-leur la langue. Et... Ah, peut-être pas, non. Une fois qu'on a crevé les tympans, le reste. C'est correct, le reste. Ouais. Ou juste mettre des. des couvre-oreilles, n'importe quoi de moins trash, là, si vous voulez pas que vos enfants soient sourds. Et mais en fait, je commence par une chanson qui est pas du tout grivoise, c'est-à-dire la chanson Onde sensuelle de M, qui est tirée de son deuxième album Je dis M. Et à cette époque-là, quand c'est sorti au début des années 2000, cet album-là connaît une espèce de d'un certain boom à cause que M a produit l'album de Vanessa Paradis qui était sorti à l'époque, Bliss. Donc, sa popularité découle en partie grâce à Vanessa Paradis. Good. Elle ne fait pas que des mauvaises choses, Vanessa Paradis. Ça peut lui arriver d'avoir du goût. Bon, oui. Peut-être. Donc, on écoute ça, M, avec Onde sensuelle dans la langue dans ton oreille. De ta bouche sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre? En sensuel, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Sens si romantique m'ont troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue? As-tu un nom? Moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. De M. Ça, c'était ta voix sexy, hein? Oui. Ou endormi. Moi, j'essaye, mais non, on va oublier. Je serai jamais réceptionniste pour les 976. En fait, c'était Onde sensuelle de M. Donc, si jamais vous cherchez une alternative à Blurred Lines de Robin Sick. Blurred Lines. Ouais, exactement. Si vous trouvez que cette chanson-là est trop grivoise, eh bien, il y a Onde sensuelle. Et dans les paroles, moi, j'ai interprété de deux manières. Soit l'inspiration pour une chanson, donc l'onde sensuelle serait la muse qui inspirerait M, ou tout simplement une relation fusionnelle. C'est beau, hein? C'est beau, c'est bien dit, en tout cas. Oui. on a deux autres chansons à entendre, toujours dans la langue dans ton oreille, la chronique de musique francophone avec David Ferron. Et le thème d'aujourd'hui, c'est des leçons de comment être sexy sans être, comment dire... Ouais. Pour Miley Cyrus. Oui, exactement, parce que je veux parfaire son éducation sexuelle. Mm-hmm. Donc, Miley. Une autre chanson, un classique de la chanson française. Ça s'appelle « Déshabillez-moi ». Ça a été chanté à l'origine par Juliette Gréco à la fin des années 60, en 1967. Et « Déshabillez-moi », bon, le titre évoque tout, mais cette chanson-là était destinée à l'époque à une stripteaseuse. Mais là, finalement, c'est Juliette Gréco qui a eu l'honneur de la chanter. Et elle rajoute à la fin de la chanson « Et vous, déshabillez-vous » parce qu'elle trouvait que quand elle dit « Et vous, déshabillez-vous », ça donnait un côté plus coquin que pervers à la chanson. Mm-hmm. Donc, on va l'entendre, mais c'est pas Juliette Gréco qui la chante, c'est Philippe Catherine avec Francis et ses peintres. C'est assez troublant. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, oh déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien les mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent ni trop leste sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, et vous, déshabillez-vous. C'était Philippe Catherine avec « Déshabillez-moi ». Est-ce que quelqu'un veut déshabiller Philippe Catherine? Je sais pas, tout le long, j'étais comme « Ouh! Ouais. »« Ah, OK, c'est chaud, là. » Ouais, pas chaud dans le sens que ça te... Non, c'est, vraiment mais... pas, c'est ça. Ah ouais, habituel. Ça me gêne. Ouais, c'est sûr, Philippe Catherine. Mais c'est correct, ça prend un peu d'autodérision dans la vie. Ah, c'est de l'humour, ça, c'est certain. Oui, ouais. Ça fait partie, en fait, de son projet Philippe Catherine... avec Francis et ses peintres, 50 reprises dans l'espace. Il reprend Céline Dion, Mylène Farmer. Il fait, c'est des exemples que j'ai dans la tête. Que les meilleurs. Que les meilleurs. Entre autres. Il reprend des classiques. Mais tu parlais de cette chanson-là qui était à l'origine de Juliette Gréco. Oui. Et elle a fait d'autres... C'est quoi que tu voulais nous présenter, qu'elle avait nous lire? Elle a fait d'autres Non, c'est pas par rapport à Juliette Gréco. En fait, Juliette Gréco, oui, ça me fait penser à de quoi? Je fais une petite parenthèse concernant Juliette Gréco. Elle a 86 ans. OK. Et elle chante... Grand Milf. Oui, ben eh bien, j'ai vu des photos, puis quand même, tu sais, pas l'air botoxé, rien, mais bien conservé pour son âge. Oui, c'est sûr qu'elle est ridée toute, mais c'est une belle femme quand même. Ouais. Là. C'est une belle femme, tu vois que la chirurgie plastique s'est pas trop emparée d'elle. Bref, c'est quelqu'un qui vieillit avec grâce. Mm-hmm. Et elle chante encore cette chanson-là. Elle a le courage de chanter cette chanson-là, même si quelques personnes disent « chante pas cette chanson-là, t'es trop âgé ». Ce qui est assez méchant. Ben oui, mais là, franchement... Oui, je veux dire... prudes. Oui, c'est une chanson, puis c'est des très belles paroles. Puis je veux dire, si Juliette Gréco a le goût de faire sa coquine, il n'y a pas d'âge pour être coquin. Exactement. Ben oui, 18 ans minimum. Ah oui, au Colachat Rocky minimum. Ouais, exactement. Il y a un âge minimum, mais pas un âge maximal pour être coquin. OK. Alors, Colette Renard, qui est cette petite renard? Elle est assez futée. Disons que Madame Renard, qui est décédée il y a 2-3 ans, en fait, elle a sorti un album. Ben, elle en a sorti plein d'autres albums. Mais elle a sorti une compilation qui s'appelle Chansons gaillardes et libertines qui ont été enregistrées entre 1959 et 71. Et ce projet-là, au début, c'était un pari. C'est ses amis qui lui disent « Ah, t'es pas game pour enregistrer des tonnes paillardes. » Puis elle dit oh, « OK, je vais le faire. » Ça, si tu me décrivais « chanson paillarde » dans tes mots. Oui, « chanson paillarde », c'est des chansons qu'on boit... des chansons qu'on chante entre amis quand on est ben souple, quand on a le goût de déconner. Par exemple, de chansons paillardes, ça serait « J'ai la quéquette colle » ou encore « Du rhum et des fêtes ». OK. J'avais justement en tête du Romain des Femmes. Exactement, c'est l'exemple contemporain de chanson paillarde. Donc, c'est ce style-là. Et elle a fait un album qui s'appelle Chansons gaillardes et libertines et certaines chansons pour enfants. Est-ce que c'est gaillarde ou paillarde? Ben, elle appelle ça chanson gaillarde. Okay, okay. C'est comme une espèce de révérence pour dire ah, vous, les gars, vous chantez des chansons paillardes, mais moi, je vais chanter des chansons gaillardes. Ah, parce que. À l'époque, quand elle a enregistré ces chansons-là, les chansons paillardes, c'était surtout chanté par des hommes. Mais elle a osé faire des chansons un petit peu coquines. Mmh. Là, vraiment, on rentre plus dans l'explicite. La chanson que je vais vous présenter, quand on l'écoute, on fait oh, « ouais, tu sais, c'est écoutable, mais disons que l'un des derniers couplets, c'est que « ah oui, c'est évident ». En fait, Madame Colette Renard, dans sa chanson « La petite ouvrière », donne des conseils sur comment bien manier ses outils de travail. Et on rappelle qu'on dédie toujours ça à Miley Cyrus. Oui, exactement. Pour comment être sexy sans avoir l'air de ce qu'elle a l'air. Bonne chance. Voilà. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout des doigts. Notre bonheur est au bout des doigts. Défunte maman me disait sans cesse, au bout de tes doigts est la richesse. Fille qui travaille avec honneur, se fait soi-même son petit bonheur. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage. Ah, je suis tout en âge, je suis tout en âge. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout des doigts. Notre bonheur est au bout des doigts. Le cœur à l'ouvrage au mois de décembre, sans feu, je m'enferme dans ma chambre. Quand il gèle à claquer des dents, je réchauffe mes doigts sans souffler dedans. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage. Oh, je suis tout en âge, je suis tout en âge. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout des doigts, notre bonheur est au bout des doigts. Je me rappelle le grand Léandre qui, devant ma fenêtre d'un air tendre, se déboutonna comme un impur sans se tourner du côté du mur. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage. Ah, je suis tout en âge, je suis tout en âge. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout des doigts. Notre bonheur est au bout des doigts. De beaux messieurs proposent de me faire des enfants qui mourraient de misère. Chers enfants, par le travail que v'là, je vous épargne ce chagrin-là. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage. Oh, je suis tout en nage, je suis tout en nage. Ma mère avait raison, je le vois, notre bonheur est au bout des doigts, notre bonheur est au bout des doigts. L'ouvrière qui craint la satire doit chatouiller pour se faire rire. En travaillant, ça rend le cœur gai et le poignet seul est fatigué. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage. Oh, je suis tout en âge, je suis tout en âge. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout de nos doigts, notre bonheur est au bout de nos doigts. C'était Colette Renard avec la petite ouvrière. Elle travaille fort, la petite ouvrière. Ouais, hein? C'est bien les personnes qui aiment leur job comme ça. Dévouées à leur cause voilà. Professionnelle. Bien dit. Mais oui, c'était un exemple de chansons payantes, c'est-à-dire des chansons grivoises qu'on chante entre amis quand on est bien, bien sous. Donc, elle, je pense pas qu'elle était saoule parce que la manière qu'elle chante, elle avait l'air à bien contrôler ça. Oui, oui. La chanson. Oui, peut-être pas son entre-gens. Exactement. Moi, il contrôle un peu. Mais disons que cette chanson-là, chantée par Colette Renard, c'est une des moins explicites que j'ai trouvées. Elle est pourtant quand même très explicite. Sauf pour les gens qui n'ont pas de deuxième et troisième degré, qui prennent tout au premier degré. C'est juste, bon, ben le bonheur au bout des doigts. OK, ben le bonheur, Colin, il est proche de moi, fait que je peux y toucher. Ça. Ou les enfants qui ont les tympans saufs. Aussi. Aussi. Et parce que, par exemple, on prend la Claire Fontaine, qui est absolument une chanson chantée pour les enfants. Mm-hmm. Elle, en fait, quand elle chante cette chanson-là, je vais vous dire, en fait, les deux premiers paragraphes, parce que là... Est-ce que tu vas nous les chanter? Non. Je vous épargne ça, mais pensez à l'air à la Claire Fontaine. Fais ce bruit-là pendant que je lis les paroles. Okay. À la Claire Fontaine. Hier, après dîner, il y avait trois capitaines qui m'ont déshabillé. Il y a longtemps que je baise, jamais je ne m'arrêterai. Ouais, wow. C'est poétique. Hein? C'est cute. C'est vrai? Charmant. Oui, ça, c'est vraiment chanson gaillarde, là, typique, chanson paillarde. Paillarde. Qu'elle l'a transformée en chanson gaillarde sur son album. Pour faire féminin ou je sais pas quoi. Ouais. Pourquoi, bon. Bravo, David. C'était ta chronique pour Miley Cyrus, on rappelle. Chanson « Comment chanter sexy sans être vulgaire » en trois chansons. Le son en Miley Cyrus. Je sais pas si ça va fonctionner parce que d'abord, je crois qu'il faut qu'elle prenne des cours de français. Ah, ma chronique fonctionne pas. Ah! C'est pas grave. Puis de toute façon, pour qu'elle le voie, il faudrait que tu l'écrives sur ses fesses puis que tu twerkes dans sa face. C'est tout ce qu'elle sait faire. C'est faire les fesses puis sortir la langue comme une folle. Oui, David est en train de nous montrer sa langue comme une folle. Comme une folle. On le voit pas. Non, une chance. Photo? Pas de photo? Non. Pas de prendre de photo? Non, ma carrière de chroniqueur est trop fragile pour ça avec ce que je vous ai présenté ce matin. Tu marches sur des œufs et de la glace. Des œufs glacés. Oui, exactement. Et le feu est toujours en dessous et risque de faire fondre la glace. Bizarre comme image. Oui. Merci, David. Ben, bienvenue. Une autre chronique. Bienvenue, c'est rare qu'on entend ça à part les gens de 50 ans et plus. C'est de rien d'habitude. Mais bienvenue, oui, bienvenue. Oui, ça se dit aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut dire de rien parce que selon le guide professionnel, certains guides professionnels, il ne faut jamais dire bienvenue, mais plutôt de rien. Ah. Ouais. T'as tout à fait raison, Mathieu. Ouais, c'était pas pour te corriger, c'est juste parce que je trouvais ça anodin. T'attendrais ça, Mathieu. Ouais. Toi aussi, toi aussi. Donc, ça va être jeudi prochain à 8h, une autre chronique La langue dans ton oreille. Rentre ta langue! On écoute Paper Maps avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Le palmarès qui va être en onde pour la première fois ce jeudi, aujourd'hui, après-midi à 15h. Voici The Hedonist. On va t'achopper la langue, David. Wild and free, above the ones that claim to love us. Baby. Autour de la chronique politique de François Landry à Assemblage requis sur C'est fou. CFOU 89.1. Est-ce que tu penses que je suis capable de l'arculer un peu juste parce que je veux vraiment bien entendre? Oui, faut rien entendre ça, là. C'est un must. C'est lent, tu vas entendre, regarde. C'est ça, Bien rempli. J'ai l'actualité. Le début était international. Impossible de manquer l'émission, même si votre vie est en danger. Ah, c'est bon! J'aime ça! Eh ben, c'est un beau concept! Hey! Franchement, là, deux acteurs ici. C'est ça un ours? Oh, un lion? C'était pas ton ventre? J'adore ça. OK, on les réécoutera une autre fois. Pour l'instant, de retour à Assemblage requis. Hein. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Donc, vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est là et il nous reste encore un bout de temps à passer ensemble. Tu vois, j'essaie d'être le plus flou possible parce qu'on repasse le lendemain. C'est ça. Plutôt. On s'habitue. Donc, François Landry qui est avec nous. Oui, je suis là. Bon matin à toi. Bon matin, Mathieu. Heureux de te voir comme à toutes les semaines. Ben oui, moi, je suis content de te voir. Je peux pas en dire autant de Jean-Philippe, j'ai pas encore vu. Non, parce qu'il était pas là jeudi passé. Il est encore en production de mucus? Il produit, c'est comme une usine de mucus. Ouais, okay, c'est les dernières nouvelles que j'avais sur mon fil, pas Twitter, mais parce qu'il est pas dessus, là. Non. Sur LinkedIn, Facebook. Je suis pas là-dessus. Tu vois? Oui. Non? Charbonneau? Oui. Jean-Philippe Charbonneau? Oui. Maintenant, c'est Charbonne Mucus à la place. Oh. C'est plus de l'eau, c'est... Ouais. Bof, hein. Ça fera pas le meilleur moment, ça. Non, sûrement pas. Donc, tiens, voici Logocratie 101. Ça, c'est toujours un bon moment. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Royal. C'est Logocratie 101, la chronique politique de François Landry. Aujourd'hui, c'est la suite de la semaine passée. Oui, t'es conséquent avec toi-même. Ben, j'ai vu la deuxième partie, je me suis dit ben ça. C'est logique, hein. Cool. Je voulais pas te mêler. Mais aujourd'hui, on va parler de Barack Obama. Non, c'est moi. Ah! Non, oui, c'est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait un petit récapitulatif. Ouais. Un résumé de l'été. Un wrap-up en bon français. De l'été et de la rentrée pour les partis de l'opposition. Donc, on a vu que le Parti libéral, avec un nouveau chef, Philippe Couillard, qui lui va miser sur l'économie. On a vu Québec solidaire, qui était pour miser sur le Québec en dehors du pétrole, ou pétrole en dehors du Québec. La CAQ, qui lui va écrire un livre. François Legault, qui s'est auto-proclamé biographe et penseur. Et Jean-Martin Hossan pour Option nationale qui a démissionné. Donc, ça faisait le tour un peu de l'été des partis politiques. Sinon, ils ont fait comme tout bon citoyen, des barbecues, des épluchettes de blé d'Inde, ramasser de l'argent, puis se la couler douce. Comme ça, là, sur le bout du nez. Puis ouais. Certains plus que l'autre, parce qu'il y en a qui avaient la tête pas mal rouge en prévision de la rentrée. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler du Parti québécois et de Pauline Marois. La rentrée du Parti québécois, ça a fait un an la semaine passée, en fait, que le Parti québécois était au pouvoir au Québec. Et puis, on en a vu des vertes et des pommures, et surtout des pommures en début de session. Et, tu sais, je suis historien de formation. Mm-hmm. On dit toujours que le passé est garant de l'avenir. Et je vais faire un lien avec le récent de la chronique tantôt en disant que ce qu'on a vécu comme des pommures l'année passée, le fruit n'a pas été encore cueilli. Oh. Donc, le Parti québécois remportait le 4 septembre 2012 les élections générales au Québec, un statut minoritaire. Les quatre premiers mois du gouvernement Marois ont démontré qu'il n'était pas aussi prêt à gouverner qu'il l'avait prétendu en campagne. C'est toujours facile dans l'opposition de dire, nous autres, qu'on va être au pouvoir, la bonne gestion, on est fort, on est compétent, on a des gens d'une grande qualité ici. Mais bon, l'absence de cohésion dans l'équipe, l'inexpérience de plusieurs ministres et surtout le cas Daniel Breton. Tu t'en souviens, Daniel Breton, qui était une figure montante du Parti québécois, un vrai gars de la gauche environnementale, très, très friand de développement durable et de recyclage. Bon, tout ce qui est à la mode chez la population. Il aime les craquelins aussi de sa famille, j'imagine. Probablement. J'ai pas vu ça sa biographie, mais sûrement que le craquelin de grand-mère, il adore ça. Donc, Daniel Breton est obligé de démissionner parce que, bon, il n'avait pas payé son logement, puis c'était un boulet au pied du gouvernement. Tout simplement parce qu'il a oublié ou il n'a pas payé ce logement par manque de liquidité à un moment donné. Mais bon, c'est un dossier. On l'a déjà oublié, Daniel Breton, pour le commun des mortels. Mais ça a quand même créé un gros effet contre le gouvernement à l'époque, parce qu'on disait c'était une figure montante, c'était un gars stable, et là, tout est obligé de démissionner de son poste de ministre, mais il est toujours député. Donc, d'entrée de jeu, le gouvernement du Parti québécois dit « on va fermer Gentilly 2 ». En partant, nous autres, dans notre région, c'est ça la grosse commotion. On en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver avec les travailleurs? Qu'est-ce qui va arriver avec le dynamisme économique de la région? On est toujours dans un terrain flou, malgré que des argents de développer, des enveloppes d'argent de débloquer. Mais bon, c'est quand même des grosses pertes de salaire qui sont, puisqu'ils gagnaient pas 25$, ils gagnaient pas 8$ à l'heure. Là. Oui. C'était entre du 25, 40, 50$ à l'heure qu'ils gagnaient ces ouvriers-là. Donc, c'était une manne pour l'économie régionale. Ensuite, le gouvernement dit, du même coup, on va retirer nos subventions à la mine Jeffrey en asbestos. Asbestos, on s'entend, c'est une ville qui s'est développée autour de l'amiante, des mines. Donc, en disant le Québec se retire de l'amiante, il y a une ville, et j'ai été la visiter cet été, puis ils ont, sans faire de jeu de mots plate, ils ont la mine basse. Ah! les gens sont tristes parce que c'était encore là de très, très bons salaires. Et le gouvernement du Parti québécois a dit « on se retire de l'amiante ». Plusieurs pays dans le monde se sont aussi retirés parce que c'est un minerai très, très dangereux c'est pour toxique, la santé. Exactement. Ouais. T'en respires un peu, puis tu peux venir fou. Ça, c'est pas long. C'est pas de la drogue. Ça, essayez pas ça à la maison. Ça, c'est pas de la drogue. De même, sans attendre, il présenta aussi dès novembre un budget d'austérité qui marqua une rupture avec le milieu progressiste. Beaucoup l'ont traité de traître. Parce que durant toute la campagne, il se disait on est un parti de gauche, de centre-gauche, on est là pour le progrès, on est là pour le progressisme, pour couper le courant néolibéral du Parti libéral de Jean Charest. Et là, il faut pouvoir budget d'austérité, compression dans les programmes sociaux, mise en veilleuse de plusieurs engagements électoraux, notamment avec la taxe santé que tu payes encore ou je paye encore, gel du tarif patrimonial d'électricité, donc au lieu d'une diminution, c'est un gel. Ça, on ne l'a pas encore oublié et ils se le font ramener en mémoire tout le long. Et aussi sur les frais de scolarité. Après le printemps 2012, on se battait, on avait une cause qu'on tenait à cœur. Le Parti québécois avait dit, nous autres, on va abolir tout ça. On va abolir la hausse, ce qu'on fait. Ils ont respecté cet engagement-là. On va aussi mettre une table pour discuter. Mais dès l'automne, il dit on va indexer les droits de scolarité avant même que la table, le sommet 2013, ne se tienne. Donc là, c'était OK, t'as brûlé une étape. Là. Est-ce que le sommet, c'est juste une façade pour te sortir, une relation publique? Donc plusieurs ont vu le sommet comme étant justement un passage obligé pour le gouvernement, mais ils ne s'attendaient pas à rien d'autre. Et. Le déficit zéro, tant attendu, c'est une loi au Québec, il faut faire un déficit zéro à chaque année, minimalement. On n'a pas le droit de faire des dettes. On peut faire du profit, par contre, c'est toujours avantageux. Mais les dettes, c'est illégal au Québec de faire ça pour le gouvernement, mais c'est pas sûr qu'on va pouvoir respecter la loi cette année. C'est pas sûr. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus loin. Ouais, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Si jamais je canne dans le Parti québécois par rapport à ça, c'était beau. Donc, je vais t'en parler là. Le budget, la première ministre Marois annonce au début du mois de septembre 2013 que l'atteinte du déficit zéro était à reporter d'un an. Donc, elle s'est dit, on va atteindre le déficit, mais seulement l'an prochain, pas cette année comme on l'a promis, parce que l'argent rentre moins vite au gouvernement. Immédiatement, son ministre des Finances, Nicolas Marceau, annonce que oui, le déficit va être respecté cette année, le déficit zéro. Donc, ils se sont pas parlé dans le bureau. Premier ministre sort d'un bord, Nicolas Marceau de l'autre bord, parce que lui, il sait que les grosses poches de New York, les cotes de les compagnies de crédit, de cotation du Québec, on dit, s'il n'atteint pas le déficit zéro, c'est pas une bonne économie, on va les décoter. Donc, le taux d'intérêt va augmenter au Québec. Donc, peut-être... Comme les États-Unis qui avaient perdu leur cote. Exactement, AAA. Exactement. Nous autres, on a une double A minuscule. Je ne sais plus trop comment ils l'appellent. OK. Alpha, gamma, beta, pareil. C'est genre A dans un examen. T'as A+, puis t'as A. Ben, lui, au Québec, on est A. Ouais. Ben, c'est respectable. Même, c'est pas pire. On n'est pas triple Z, là. Mais non. Double D. Grosse poitrine, là. Les taxes scolaires. T'es pas encore propriétaire, Mathieu? Non. Mais pars-en tes parents. Okay. Ils vont adorer ça. Nos taxes scolaires vont augmenter substantiellement. Et là, j'ai bien articulé. Ah, wow. Donc, en avril dernier, la ministre de l'Éducation, Marie Malavoie, avait elle-même invité les commissions scolaires à utiliser les taxes scolaires pour atténuer les nouvelles compressions de 65 millions de dollars qui s'ajoutaient aux coupes de 150 millions de dollars annoncées. Donc, le gouvernement coupe dans les transferts aux commissions scolaires. Et là, Marie Malavoie dit aux commissions, ben, allez taxer les citoyens, vous avez ce pouvoir-là. Parce qu'on a trois taxes. On a la taxe municipale, scolaire et provinciale. Quand on paye, quand on est propriétaire. Et là, pour sa part, Pauline Marois, elle sort dans les médias pour dire, et je la cite, « Parlez-moi pas des taxes scolaires parce que je suis tellement mécontent de la façon qu'on travaillait les commissions scolaires. Il y avait une aide temporaire qui leur avait été apportée et plutôt que de travailler depuis des dernières années pour resserrer les règles, ils ont envoyé ça sur le dos des citoyens. » Donc, Marie Malavoie dit quelque chose, Pauline Marois dit autre chose. Encore là, manque de communication au Parti québécois. Manque de cohésion d'équipe comme l'an dernier. Maintenant, le sujet de l'heure, le multiculturalisme. On en entend parler avec la fameuse charte dont je vais te donner des cues dans pas long. Okay. En entrevue au journal Le Devoir le 6 septembre, donc c'est hier, ça là. Pauline Marois prononce cette phrase, et encore là, je la cite. « En Angleterre, ils se tapent sur la gueule et s'envoient des bombes parce que c'est le multiculturalisme et qu'il n'y a plus personne qui se retrouve dans cette société-là. » Ça, je l'ai cité, là, guillemets. Donc, c'est digne d'une première dame de dire qu'en Angleterre, ils se tapent sur la gueule parce que c'est le multiculturalisme qui en est venu là. Donc, il faudrait, dans le fond, que tout le monde... Elle veut pas de multiculturalisme, elle voudrait que tout le monde soit pareil. White power, genre. C'est ce qu'ils ont sous-entendu là-dedans. OK, OK. Donc, un petit inconfort aussi, puis ça m'a chatouillé, moi. Puis, honnêtement, j'étais allé me mettre la tête dans le bol de toilette pour être sûr que. Au cas où. Et là, il y a la fameuse charte. On entend juste ça, la charte, ça a éclipsé tous les autres sujets de l'actualité. Donc, ceux qui veulent mettre dehors des 150 employés, c'est le temps. On n'en parlera même pas dans les journaux. Oh. On ne fait que parler de la charte. Et le déficit zéro, on n'en parle plus. Les droits l'éducation, on n'en parle plus. Les coupures en fonds de recherche, on n'en parle plus. Le budget, on n'en parle plus. On ne parle que de la fameuse charte. Et on n'en parle pas en bien, dans le sens qu'on ne flatte pas la charte. Flatte la charte. Eh bon, tu prends en note, parfait. Donc, encore là, pour le manque de cohésion, là, cette fois-ci, le Parti québécois a compris. Je suppose qu'ils ont compris. Bernard Drinville, le père de la fameuse charte, est allé rencontrer Pauline Marois dans son bureau pour lui présenter matériellement là, la charte, donc le document en tant que tel. Il lui a remis entre les mains, il lui a dit « Madame Marois, voici la charte que je vous présente, j'espère qu'elle vous plaira, blablabla. » Et c'est sur papier blanc, donc vous allez l'aimer. Mais... blanc parce qu'il est La couleur. Le pouvoir blanc, oui. Je m'excuse quand je fais ça, je te fais perdre ton texte. Non, j'essaie juste de pas déraper pour être sûr de pas dire de niaiserie. Parce que moi aussi, ça me lève le cœur, cette affaire-là. Donc, il a fait ça devant les journalistes. Donc, c'était vraiment une mise en scène pitoyable. Il devrait les engager pour faire du théâtre amateur. Là. OK, de rue. Digne pour le théâtre. Non, okay. Même pas. Dans leur cours arrière, avec aucun spectateur, c'était vraiment pitoyable comme prestance. Ils l'ont fait devant les journalistes pour montrer que là, Marois est au courant de ce que Drinville va dire. Donc, ça paraissait mal dans l'image publique. Et là, la fameuse charte, on en parle depuis tantôt, on en parlera encore et encore, et surtout dans 30, 40, 50 ans, on va sûrement encore en parler comme étant une date historique au Québec, positivement, négativement, je pense plutôt pour le deuxième. Ouais. Cinq raisons qui ont motivé le ministre Bernard Drinville de faire cette charte-là. Un, parce que Mario Dumont, tu te souviens de Mario Dumont? Vaguement, oui. L'autre, là, a prouvé l'efficacité de la formule. Parce qu'en 2006, l'Action démocratique du Québec, alors gouvernée par Mario Dumont, végète à moins de 15% dans les intentions de vote. 15 mois plus tard, il récolte 30% des voix et est élu deuxième opposition officielle à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Hérouville, charte des valeurs ou le code de vie d'Hérouville. Et là, la crise identitaire au Québec, commission Bouchard-Taylor. Là, qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'un Canadien? Qu'est-ce qu'un immigrant? Qu'est-ce qu'un turban? Un kirpa? Une étoile juive? Le crucifix? Le fameux crucifix? Le patrimoine québécois? Donc, la clé de ce succès, l'ADQ a réussi à ravir au Parti québécois le pôle identitaire qui lui était attribué depuis toujours. Donc, l'histoire récente encourage le PQ à ne pas se faire retirer une nouvelle fois cette carte maîtresse dans son jeu qui est l'identité. Donc, au lieu de laisser la CAQ, puisqu'aujourd'hui la DQ s'est mutée en CAQ, au lieu de laisser à la CAQ le rôle identitaire, le PQ s'est dit on va y couper l'arbre sous le pied, on va tout prendre ça. Bon. Puis que la CAQ va devoir parler d'autre chose. De quoi? Ils vont tirer sûrement dans une petite poche, là, au hasard, un sujet. Donc, numéro 2, pour mettre l'opposition dans l'abarra. Parce que le Parti québécois souhaite contrôler au maximum l'agenda politique qu'il ne contrôle absolument pas, vu qu'ils sont minoritaires. Quand on est au pouvoir, même minoritaire, on veut s'inscrire dans un débat de société et forcer l'opposition à se commettre. Donc, en faisant ça, il est obligé de dire « Toi, François Legault, qui est pour l'identité québécoise, tu vas approuver la charte, t'as pas le choix. Allez, allez, commets-toi. » Le François Legault, c'est on verra. Hein? Et là, Philippe Couillard, lui, a dit cette semaine, oh, je suis pas d'accord, c'est vraiment la charte de la discorde, c'est une crise que le PQ fait par pur, et pas égoïste, mais pur but électoraliste, parce qu'on sait qu'il y a des élections prochainement. Toujours, hein? Mm-hmm. Toujours, ça plane, c'est comme l'épée de Damoclès, ça plane au-dessus de nos têtes. Donc, Philippe Couillard, lui aussi, embarque là-dedans, Québec solidaire a embarqué là-dedans, il y a Option nationale qu'on a moins entendue, parce qu'ils sont en course à la chefferie, mais quand même, là, l'opposition s'énerve. Donc, là, ils sont obligés de se commettre et peut-être même de s'auto-pelure bananiser. Tu l'as réussi, ça. Oui, j'allais. Ouais. Donc, troisième fait sur cinq, pour faire réagir le Canada anglais. Donc, le Parti québécois, pour avoir une base nationaliste, c'est comme le livre de Sun Tzu, tu sais, l'art de la guerre. Okay. Donc, il faut provoquer l'autre pour que l'autre nous attaque. Et là, en se faisant attaquer, notre frange, notre base se réfugie derrière nous, donc on est plus fort. Donc, en disant, on va faire le Canada anglais. Le Canada anglais va donc attaquer le Québec comme ça se passe présentement, parce que dans l'Ouest canadien... Ils en parlent en mal, on va dire. Hey boy! On est vu comme étant l'extrême droite, les fachos, puis tout le kit, là, c'est vraiment... Ça fait peur, ça fait peur. Donc là, ils disent, le Québec, vous êtes des intolérants, bon, tu sais, c'est un certain régime des années 30 en Allemagne à laquelle on est comparé. Oui, c'est ça. C'est facile de comparer à ça, hein? Tout le monde facile, fait ça. La référence est facile. Ouais. Donc là, le Québec dit, ben là, le Canada nous aime plus, tu sais, c'est... Ça sera bon, une petite crise constitutionnelle. Et là, le gouvernement conservateur est tombé peut-être dans le piège ou a bien voulu se plonger lui-même. S'insérer en disant il y aura crise constitutionnelle. Oh, là, ma roue à jubile. Là. Parce que là, c'est sa carte maîtresse pour dire au peuple québécois, soyez derrière moi, je vais aller au front pour vous défendre devant le... Ça va faire d'elle une star, je vais la mettre sur la map, ça, là. Ouais, écoute, moi, je la verrais à Star Academy, mais là, c'est Star Constitutionality. Oh, wow! Oh, hein, ça serait bien. Donc, numéro 4 sur 5, je termine parce que c'est quand même un sujet assez lourd, parce que l'identité est un bon succès donné à la souveraineté. Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté au Québec présentement. C'est pas populaire, c'est pas sexy. Il y a 40% des gens qui sont pour la souveraineté au moment où on se parle. Mais qu'est-ce qui est le succès d'année de la souveraineté? L'identité québécoise. Okay. Pourquoi on voudrait se séparer? Parce qu'on parle français, on est des catholiques, on est blablabla. Et là, on dit on peut pas parler de souveraineté, donc on va aller de son petit cousin. Hein? Qu'est-ce qu'un Québécois? Quelles sont nos racines? Quel est le patrimoine québécois? Donc, le crucifix, la croix sur Mont-Royal, toute cette patente-là. Donc, les Québécois vont être ravis. Ils vont vouloir se séparer. Ben oui. Mais ça a peut-être l'effet contraire, parce que les immigrants qui étaient favorables à l'indépendance du Québec vont pouvoir dire, je n'ai pas vu dans un Québec où on m'interdit de pratiquer ma propre religion. On t'exclut complètement. Et voilà. Ben oui. Donc, cinquième et dernier point, parce que la question n'a jamais été réglée. Il y a eu la commission Bouchard-Taylor qui s'est tenue en 2007-2008 avec un rapport qui a été tabletté et pas à peu près. Jean Charest qui avait proposé un projet de loi qui est mort au feuilleton parce que quand l'Assemblée est levée, donc tous les projets de loi meurent. Il faut les ramener. C'est un long processus, mais ça n'a jamais été ramené. Donc, on est assis entre deux chaises depuis. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu un malaise, il y a eu une crise. C'est comme si tu te chicanes avec ta blonde. Mais à chaque jour, tu vis avec elle sans en parler. Donc, il y a toujours un froid. On dirait que tu connais vraiment ma personne. Parce que c'est exactement ce que je fais. Mais bon. Je pourrais te mettre en contact avec Pauline. Parfait. Pauline! Elle pourrait te coacher. Moi, ma coacher, c'est malaise. Ouais, ça, c'est bon. Échange de service. Bon, échange de service, ouais. Hein, du bon vieux truc. C'est bon, ça. Donc... sauf que, bon, là, on l'a descendu la charte, mais faut pas oublier que c'était une promesse électorale. Puis pour une fois que le PQ tient une promesse, on va lui donner au moins ça. Un point. Un point. un point pour, puis 53 millions au compte. Voilà. Fait, ben, au moins 8 millions, les 8 millions Québec, 8 millions au compte. Okay. Donc, voilà ce qui fait le tour. Et la semaine prochaine, je vais vous parler plus en détail de la charte. Hein. Je sais que ça t'anime, t'aimes oui. ça. Mais on verra, encore le défaut de langage de François Legault, on verra si moi ça me tente d'en parler. OK. Hein? Moi aussi, je suis intransigeant comme le Parti québécois. Eux autres en font une religion, un dogme, la charte. Puis moi, je suis pas pour ça. Hein? Oui, ben non, c'est ça. Fait qu'on verra bien. On s'entend là-dessus. Il y a bien d'autres choses à traiter au Québec. Voilà. Il y a plein d'autres dossiers. Fait qu'on... Faisons ça. Merci François Landry. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. C'est tous les jeudis à 8h30, la chronique Le Courrier 601. Oui, monsieur. Et c'est toujours un très bon moment, ça. On l'aime ça. Ben écoute, ça fait plaisir. Je te dédie un petit peu d'Alex Nevsky. Oui. Je sais que t'aimes ça. Oui, je vais aller m'acheter son album. Je l'ai pas encore fait, je suis paresseux. Je l'ai entre les mains. Oui, oh. Il est à moi. Ok, garde. Oh, non, touche pas. Ben au moins, tu peux me donner une musique, une chanson. Oui, je peux donner une chanson de l'album Himalaya, mon amour. Voici Les Coloriers. À Assemblagerie. Et après ça, on parle de sortie avec Joanie Gagne, on reste là. Coloriers d'Alex Nevsky à Assemblage requis. Il nous reste encore une bonne demi-heure et plus à l'émission d'aujourd'hui. Et tantôt, on va parler de sorties, de choses à faire avec Joanie Gagnon. Avant ça, par contre, ben, on a encore un petit peu de temps pour de la musique. Et aujourd'hui, quand même, on n'a pas joué tant de musique que ça par rapport à l'habitude. Donc, écoutons une pièce du palmarès francophone. Comme toujours, voici Midi Cayenne Club et le nœud. La peur est un voleur que l'on invite chez soi. Séparant 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, bien sûr. Moi, c'est Mathieu Plante. Je vous rappelle encore une fois que Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi à l'émission. Sans faute, je me fie là-dessus. avant de passer à Joanie Gagnon, qu'on a mentionné un bon deux, trois fois, on peut quand même lui dire bonjour tout de suite. Bonjour, Joanie. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Bienvenue dans notre équipe merveilleuse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'es dorénavant un requin. Oui. C'est les chroniqueurs et auditeurs et autres d'Assemblage Ricky. Super. C'est le fun, hein? Oui. Tiens, je vais te faire entendre une pièce de Imaginary City. C'est une de mes préférées du palmarès. Cool. Voici Sooner or Later. Imaginary Cities, un classique d'assemblage requis en ce moment. Ça et The Cat Empire, c'est au sommet de ma liste, moi, personnellement. T'sais, et peut-être quelqu'un qui va finir par arriver au sommet de la liste, mais on va la laisser commencer comme avant de te mettre au top tout de suite. Voici Joanie Gagnon et sa chronique. Alors, on sort. Hein? Tu parles d'une musique qui met en forme là, le matin. Ça réveille. Bonjour, Joanie Gagnon. Bonjour. Ça va toujours? Ça va toujours, et toi aussi? Oui, très bien. Donc, on t'accueille pour une nouvelle chronique de sortie ici à Assemblage Rocky. C'est ta première. Première. Ça va bien aller. J'espère. Je fais confiance. Parfait. Je mets mon argent sur toi. Non, c'est pas... Donc, on a plein de sorties à discuter aujourd'hui. Oui, et on commence ça ce soir, jeudi le 12, avec Bears of Legend, un groupe de Trois-Rivières, qui vont être du côté de la Chasse-Galerie pour le party de la rentrée de l'AGE de l'UQTR. Il y aura aussi Mario Estrada et Bernard Adamus qui vont être au 10-12. D'ailleurs, Bernard Adamus qui a deux nominations à la disque, une pour l'album Folk de l'année et l'autre pour le vidéoclip de l'année. Donc, c'est quand même cool, il va être au 10-12. C'est un excellent choix de spectacle pour l'AGE, oui, sérieusement. C'est une très bonne idée. J'adore. Et donc, ça, c'est gratuit pour tous les étudiants et seulement 10$ pour les non-étudiants. Donc, arrivé tôt, il n'y avait aucun billet en pré-vente. Si vous avez le goût d'aller voir ça, ça va être super intéressant. Cool. Il y a aussi, ce soir également, Félix Soud. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais il va être du côté du Nord-Ouest. On dit que c'est un chansonnier folk, rockabilly, punk qui mélange tous ces styles-là ensemble. C'est comme une slush. Ouais, c'est ça, un beau mélange. D'ailleurs, qui a été lauréat du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2007. Donc, si vous avez le goût d'aller voir ça, c'est au Nord-Ouest. C'est seulement 5$ à la porte et c'est à compter de 21h. Est-ce que tu me dis c'est Félix Soud? Soud, ouais, c'est vraiment... S-O-U-D-E. S-O-U-D-E. Parfait. Ouais. Sinon, on a le 13 et 14, les vendredis et samedis, les Sages-Fous, je sais pas si tu connais ça. Est-ce que c'est une... Je pense que c'est des marionnettes. Hein? Oui, c'est ça, une troupe de théâtre, marionnettes, si on veut. Je connaissais pas ça, mais ils nous présentent la 8e édition du micro-festival de marionnettes inachevées. Okay. Ça va vraiment piquer ma curiosité. Donc, on dit que c'est des spectacles en chantier du Québec, mais aussi de la Belgique et des États-Unis. Et on dit spectacle en chantier, là, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des trucs très incomplets et imparfaits. En fait, les trois membres des Sages-Fous ont fait une bonne sélection de projets près de la concrétisation qui ont juste besoin de roder un peu. Oui, c'est ça, et d'avoir des commentaires constructifs. D'ailleurs, les Sages-Fous qui sont en vigueur depuis 1999 et ils organisent périodiquement des représentations théâtrales dans la région de Trois-Rivières, mais aussi à l'extérieur. Et j'ai lu qu'ils ont participé à plus de 164 festivals internationaux de théâtre. Wow. Donc, c'est super cool pour une troupe d'ici. Donc, c'est ça, le micro-festival de marionnettes inachevées au coût de 12$ à 19h30 le vendredi et samedi, le 13 et la 14. Le 13 et le 14, ça se passe à la Maison de la Culture à Trois-Rivières. Sinon, on a aussi... J'ai découvert ça, l'allumeur de réverbère. Est-ce que tu sais quoi? Non, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout. Ça se passe à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est une nouveauté en 2013. Dans le fond, pendant une heure à la tombée du jour, il y a un personnage de conte qui se balade à travers la ville. Okay. Puis il nous raconte des histoires qui peuvent être vraies, fausses, basées sur des faits historiques ou pas du tout. Peut-être Patrice Lécuyer qui sort, il faut que tu devines la bonne réponse. C'est ça. Tu le suis, puis il nous raconte des histoires. Ça peut être super intéressant si j'avais le goût de sortir en fin de semaine, si la température est de notre côté. C'est à l'extérieur, évidemment. Ils partent à 7h30 du manoir Boucher de Niverville. Ça, c'est en avant du Zénobe. Si je me rappelle bien. Rue Bonaventure. Ouais, c'est ça. Ouais, proche du Zénobe. Quelque part là-bas. Là. Ouais. Donc, ça se passe le 12 et le 13 septembre. Pour les adultes, il y a un coût de 20$ et pour les moins de 13 ans, c'est gratuit. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous au www.onseraconte.ca. C'est le site du compteur. Vous allez avoir toutes les dates et plus d'informations là-dessus. Génial. Sinon, une activité qui n'est pas culturelle et qui est assez loin d'ici, c'est à Gatineau, mais je vous en parle pareil. Ah ben j'aime ça, c'est pas l'énergie, nos horizons. Ouais, si jamais vous êtes dans le coin, là, je vous parle de ça parce que c'est le Color Me Rad. Je sais pas si oui. C'est quoi. Non. Je vais dire non parce que je suis pas sûr. Non, mais je vais t'expliquer ça, c'est super c'est cool. Une course. Oui, c'est une course. C'est tout ce que je sais. C'est la dernière date au Québec. Il y en avait une à Montréal et une à Québec, à Charlevoix. J'ai eu la chance de faire ça à Charlevoix. Ça a été super cool. Pour vrai, c'est vraiment. C'est une course qui est quand même différente. C'est juste 5 km. C'est quand même familial. Puis à chaque kilomètre, fenêtres, on a des poutres de couleurs qui nous sont lancées. C'est vraiment cool, là. Ça a l'air spécial, vite comme ça. Sauf que si vous avez l'occasion, là, comme ça va être à Gatineau là, le 15 septembre, sauf qu'ils vont le faire l'année prochaine, puis à chaque année, ils viennent à Montréal et à Québec. Donc, c'est ça, là, que c'est le 15 septembre. Il y a une possibilité de s'inscrire sur place. C'est un coût de 40$, mais ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle activité. Call Me Rad. Yes, Call Me Rad. Vous allez sur leur site internet, vous allez trouver toutes les informations là-dessus. Et aussi, on se déplace du côté de Montréal. J'ai trouvé une exposition de photos qui peut être très intéressante. Ça s'appelle l'exposition WordPress Photo. Donc, ça s'arrête à Montréal du 4 au 29 septembre. On dit que c'est les 150 photos les plus marquantes de l'année 2012. Donc, WordPress, on connaît ça. Sont exposées au marché Bon Secours dans le cadre justement de la 56e édition de l'exposition internationale WordPress Photo. C'est des j'en ai vu une couple sur le site. C'est vraiment intéressant. C'est des photos qui ont marqué l'actualité. Puis les organisateurs, c'est ça, ils n'hésitent pas à montrer le côté plus sombre, si on veut, de l'humanité. Mais ils laissent également place à des sujets de nature moins brutale. Donc, ça va être super intéressant pour les gens qui sont passionnés de photos ou qui sont juste dans le coin de Montréal. Et sinon, on se déplace à Drummondville. Il y a The Brains qui vont être du côté de la faculté le 14 septembre. Je parle de ça parce que j'avais eu la chance d'y voir au Nord-Ouest. Est-ce que tu connais ça? Le Nord-Ouest, oui, ça. Oui, The Brains, par exemple. C'est un band... The Brains. Non. C'est un band rock'n'roll, punk, un peu psychobilly. C'est seulement 10$ à l'entrée et 8$ en pré-vente. Là, je les ai vus une fois. C'est super cool si vous avez le goût d'aller voir un show et vous êtes dans le coin de Drummondville. Il y a aussi... je prends juste deux petites secondes pour vous en parler. La prolongation de la programmation 2013 de l'animation estivale de la rue des Forges. Okay. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir ça. C'est jusqu'au 21 septembre, tous les vendredis et les samedis, et c'est gratuit sur la rue des Forges. C'est supposé finir plus tôt que ça, et finalement, ils ont oui, dit que ça a du succès. Exactement, ça a du succès. Donc, ils ont prolongé ça jusqu'au 21 septembre. Si vous avez envie d'aller voir ça, ça peut être super cool. Et sinon, je termine avec... Tremblay qui va être au Gambrinus mardi prochain, le 17 septembre. Et là, toutes les filles font « Ah! Tremblay, c'est Manolo! » Manolo, mais paraît-il qu'il est comme un peu tanné du Honorable de même. Tu penses, tu sais, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, mais on peut pas résister. Ben là, non. Il a marqué notre mémoire. Il a joué ça pendant genre une décennie, je sais pas trop quoi, c'est normal. C'est ça. Il a pas grandi. Non, c'est vrai. Bon, on l'adore, pour vrai. Tout le monde trippe sur lui, puis je l'adore aussi. Je trouve que ce qu'il fait est fantastique. Oui, ça l'a tourné un peu assez fou, d'ailleurs. Oui. Aussi, vous avez sûrement eu l'occasion d'entendre ça. Donc, c'est ça, c'est seulement 5$. Il va présenter les chansons de son album Ça va, ça va. Donc, si vous avez envie d'aller voir ça, c'est au Gambrinus mardi prochain, le 17 septembre. Parfait. Moi, je t'offre d'aller entendre une pièce parce qu'il est en train de tourner un vidéoclip pour ce morceau-là qui s'appelle Marie Plastique. J'ai hâte de voir ça. Donc, on écoute la chanson et on se revient juste après. Parfait. Alors on sort à Assemblage Rocky. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie t'es belle, pose ton sourire avant ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie Plastique. Sentons ça, toi, ben, les seins gênés derrière. sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Marie Plastique. Je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique. Enlève sans don, ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, tu veux de quoi t'as l'air? Tremblay. Avec la pièce Marie Plastique. En passant, il filme un nouveau clip en ce moment pour cette pièce-là. On le disait tantôt. Exactement. On a de voir ça. Donc, c'est dans la chronique. Alors, on sort de Joanie Gagnon. Excellent, excellent ta chronique. Merci beaucoup. Bravo. J'ai dit bravo à Laurent aussi. Fait que là, j'ai l'air de dire bravo à tout le monde. Mais vous faites du bon travail, tu sais. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ça va être c'est les jeudis à 9h. Oui. Et sinon, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à mentionner de ta part. Est-ce que tu avais d'autres choses? Non. Sortez en fin de semaine, même s'il fait pas beau. C'est ça. Puis on parlera d'autres affaires un jour. Je sais que t'es dans un groupe. Oui. C'est pour ça qu'on en parle, Marie. Parfait. Donc, bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. Pour l'instant, il nous reste encore une quinzaine de minutes environ à l'émission. C'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Juste assez de temps pour l'entendre. Un autre de mes classiques. Je sais que je vous l'ai déjà fait jouer cette semaine. Je sais que peut-être que. Non, je pense pas que vous pouvez vous tanner ces chansons-là. C'est les meilleures. Impossible de se tanner. Donc, voici The Can Empire et Brighter Than Gold. Pour vrai, je l'aime trop. Je l'ai fait jouer tout le temps. Oui. Repeat. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, and what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. Seen what none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes their pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud.

hunger, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out, but you don't. C'est la pièce Relator par Pete Yorne et Scarlett Johansson. Avant ça, on a entendu Jack G. Marinovich et l'extrait En dessous. Deux pièces qui datent de 2010. Ça ressemble étrangement au concept de la chronique C'était fou que je fais dans les palmarès C'est fou. Mais c'était pas ça parce que chacun a la chronique dans l'émission qui a, hein, chacun sa place. Hein, comme dirait Paul Marois. Callback. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Je remercie Laurent Constantin pour sa chronique Voyage au centre du campus. David Ferron pour La langue dans ton oreille. François Landry pour Logocratie 101 et Joanie Gagnon pour Alors on sort. C'est pour ça que j'ai joué pas mal de musique à la fin de l'émission, mais c'est pour compenser qu'on a eu 4 chroniqueurs dans l'émission d'aujourd'hui. C'est quand même assez phénoménal. Lundi à l'émission, on aura encore une fois Laurent Constantin, oui, de retour pour sa chronique Actualité, Voyage au centre du campus. Et puis Maxime Tanguay va effectuer un gros retour dans l'équipe avec une nouvelle chronique musicale. C'est lundi dès 7h30 en direct, 6h30 pour réentendre les bouts de l'émission d'aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On veut pas vous cacher rien là, avec ça. C'est ça, allez voir assemblagerequis.com pour le site de l'émission, les notes de l'émission, les balades de diffusion, cif.ca pour le site de la station. Passez une excellente fin de semaine. À la revoyure. Bye!